l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Laurent Testo, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, tu es journaliste, tu travailles pour des hors-séries dans sciences humaines et pour le monde des religions. Tu es également donc conférencier et tu t'occupes d'histoire mondiale également, pour laquelle tu es conférencier également et guide conférencier. Tu as sorti 2 livres, Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité chez Payot, qui est maintenant sorti en poche, et un autre livre qui s'appelle Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité. 2 livres qui traitent d'histoire, mais qui vont nous en apprendre beaucoup, je pense, sur notre présent et peut-être même notre futur. L'humanité a déjà connu des cataclysmes ? Alors, oui, évidemment qu'elle en a connu. Je pratique, en fait, comme tu l'as dit, une forme d'histoire qu'on appelle l'histoire mondiale, qui vient des États-Unis et qui travaille beaucoup sur le temps long. Et donc, je travaille sur l'humanité depuis ses débuts, il y a à peu près 3 millions d'années. Et oui, dans le passé, nos ancêtres ont été confrontés à énormément de cataclysmes et à énormément de limites écologiques qu'ils ont pu franchir parce que, au fur et à mesure de sa lutte contre la nature, l'humanité a développé une ingéniosité extraordinaire qui la distingue des autres espèces animales en ce qu'elle a su impacter massivement son milieu, en tirer des ressources pour toujours plus dominer la Terre. Alors ça s'est quand même souvent retourné contre elle. On peut parler du livre de Jared Diamond. Ce sont beaucoup de civilisations qui sont construites en maîtrisant leur environnement et en poussant leur logique jusqu'au bout, jusqu'à être en contradiction avec leur environnement, et on finit par en mourir quand même. Alors, oui et non. Dans Cataclysme, je reprends à nouveau frais, en fait, les enquêtes de Jared Diamond. J'adore Jared Diamond. Je trouve son livre qui a précédé Effondrement, qui s'intitule en français De l'inégalité entre les sociétés, qui est un très mauvais titre. Je préfère le titre d'origine, Guns, Germs and Steel. Des microbes, de l'acier et des fusils. C'est avec ça que l'Europe a dominé le monde, ce qui est la question fondamentale que pose Jared Diamond dans cet ouvrage. Et quelque part, il posait énormément de questions dans cet ouvrage sur le destin des civilisations. Il a choisi d'y répondre dans Effondrement, mais en s'appuyant sur des études malheureusement trop souvent datées. Et donc, dans Cataclysme, je reprends à nouveau frais certains cas types énumérés par Jared Diamond dans Effondrement, pour montrer qu'en fait, il s'est trompé. Alors, ce n'est pas iconoclaste de le dire, parce que ça reste très stimulant de savoir pourquoi il s'est trompé. Mais en très gros, par rapport aux Vikings, Jared Diamond dit, ils se sont établis au Groenland pendant l'optimum climatique médiéval, où il a fait chaud, et donc ils ont pu amener des bestiaux et leur culture. C'est complètement faux. Là-bas, ils avaient quelques moutons, ils avaient un peu d'orge, mais ils n'en vivaient pas, c'était impossible. Ce dont ils vivaient, c'était du commerce de l'ivoire, de l'ivoire de morse. Ils chassaient massivement le morse, et à cette époque-là, l'Europe était accro à l'ivoire. Depuis l'époque romaine, on en importait depuis l'Afrique. Puis les liens commerciaux avec l'Afrique s'étaient distendus. Et donc, les Vikings étaient des commerçants et se sont mis dans cette niche-là. Ils ont envoyé des expéditions très loin vers le nord pour ramener de l'ivoire de morse. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, il y a le début du petit âge glaciaire. Effectivement, les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Et surtout, il y a des nouveaux marchands qui se reconnectent à l'Afrique et qui amènent de l'ivoire d'éléphant de meilleure qualité et moins cher que l'ivoire de morse. Les cours s'effondrent. Les Vikings déménagent. Ils ne sont pas morts de faim au Groenland, ils ont arrêté des implantations commerciales qui n'étaient plus rentables. Voilà. Et on peut dire de même sur les mythes véhiculés sur l'île de Pâques ou sur les Mayas. Donc il faut corriger un peu cette vision catastrophique. Les sociétés sont des choses complexes qui ont su s'adapter ou transiter dans le passé. Et on peut en tirer des enseignements, certes, mais c'est souvent à la manière d'un bon storytelling, c'est-à-dire qu'on oriente la conclusion vers ce qu'on voudrait entendre, souvent. Alors toi, ton livre, il parle de l'histoire environnementale de l'humanité. Ben écoute, je te laisse le présenter, me faire le pitch sur ton livre. De quoi il est question ? Alors, il est question d'une enquête journalistique parce que fondamentalement, je reste un journaliste. Je me suis demandé depuis quand l'humanité changeait son milieu et, sachant que nous sommes une espèce animale parmi d'autres, en quoi cela nous avait affecté, nous. Et en fait, ça fait très longtemps. L'histoire, elle a commencé en Afrique. L'Afrique s'est aridifiée pour des raisons assez compliquées, naturelles, hein, évidemment. Et nos ancêtres se sont adaptés. C'était des singes frugivores qui vivaient dans les arbres. Et on s'est divisé en deux rameaux, en gros, chimpanzés et gorilles qui sont restés à l'ouest dans les forêts. Et nos ancêtres qui ont dû s'adapter à un milieu qui s'aridifiait, plus de forêts. Et donc... la savane. Et donc on s'est redressé, on est devenu bipède et on voyait au loin et on a expérimenté diverses solutions. Certains ont creusé le sol pour avoir des racines et nos ancêtres à nous, ils ont regardé au loin et ils ont chassé. Ils se sont procurés de la viande. Et là est émergé un nouvel animal qui n'avait encore jamais été vu sur cette terre, un prédateur qui chassait au regard. Un prédateur terrestre, bien sûr. Les oiseaux de proie chassent au regard. Mais aucun autre prédateur ne chasse au regard sur terre. Les lions, tout ça, non? Les lions chassent partiellement au regard, les loups aussi. Mais ils chassent surtout à l'odorat, au vibrisse, à l'oreille. Ils sont à quatre pattes, ils ne sont pas debout. Ils chassent à certains signaux et ils sont incapables de lire des traces au sol comme on le fait. Et en fait, nous, il s'est enclenché une sorte de chose que les économistes ont appelé un cercle vertueux, un ensemble de modifications de notre anatomie. Nous sommes redressés, ce qui a permis la croissance d'un gros cerveau alimenté par un régime plus riche en protéines. Nous avons appris à voir au loin, mais surtout à déchiffrer au sol les signes. Et nous avons acquis progressivement des capacités symboliques de traduction du milieu, quelque part. Et si nous sommes aujourd'hui capables de lire un livre et pas un loup, c'est parce que nous sommes aussi aujourd'hui, pour ceux qui sont restés chasseurs-cueilleurs, capables de lire les traces que laisse ce loup au sol, alors que le loup, à la recherche de gibier, par exemple, il ne va pas lire des traces au sol, même dans la neige, il en est incapable. Il va flairer, il va suivre à l'odorat. Donc nous, nous avons l'œil, lui, il a le nez. Et avec le nez, il est à la présence au monde. Il sent le monde, il sait à quelle distance est le gibier, comment est le gibier, quel est son état de santé et tout. Nous, on est obligé de décoder. Ah, l'empreinte de gauche est plus lourde que celle de droite. L'animal doit boiter, etc., etc. On se met à la place d'eux, on réfléchit et... cela a également permis de transmettre de plus en plus de savoir à nos petits, d'inventer le langage, de coopérer pour éduquer des petits qui avaient besoin de plus en plus d'apprentissage pour pouvoir survivre dans ce monde. Et nous sommes quelque part un singe avec des hypertrophies, une hypertrophie du cerveau. On a un énorme cerveau avec une énorme partie qui ne sert qu'à créer du symbole, à décoder et à partager des récits pour... que l'on puisse développer des choses comme le langage, les religions, les idéologies qui nous permettent de partager un monde commun afin de collaborer. Et notre capacité à collaborer aujourd'hui, qui n'a pas d'égal dans le monde vivant si ce n'est auprès d'insectes collectifs comme les fourmis, les abeilles, etc., mais nous sommes le seul animal complexe à collaborer à cette échelle, nous permet aujourd'hui de faire des choses qu'un seul individu serait incapable de faire, comme construire une centrale nucléaire ou expédier un être humain sur la Lune. Et malheureusement, cela nous a rendus un peu fous, je dirais, fous d'orgueil et également fous de ce confort qu'on a fini par se créer autour de nous et dont on ne peut plus se détacher, auquel on est littéralement addict et qui nous précipite aujourd'hui vers le mur. Alors c'est ça l'histoire de ton livre ? J'ai pas l'impression, parce qu'il s'appelle Cataclysme. Alors, Cataclysme, bien sûr, c'est aussi un titre décidé par l'éditeur. Mon idée initiale, c'était de faire plutôt quelque chose qui serait intitulé « Quand la maison brûle ». C'était d'examiner comment les sociétés ont réagi dans le passé quand des variables écologiques ont commencé à changer les conditions même de leur survie et d'en tirer éventuellement des leçons pour le futur. Alors ça, c'est un aspect très très compliqué. On ne peut pas tirer des leçons pour le futur du passé, d'abord parce qu'on n'a jamais connu de bouleversement anthropique, ou en tout cas de bouleversement anthropique de cette ampleur-là. D'une ampleur mondiale et non plus régionale. Oui, parce que dans le passé, effectivement, le plus vieux cas bien documenté que l'on ait, c'est l'arrivée des ancêtres des aborigènes australiens, donc en Australie. Il y a aujourd'hui, on le sait, 65 000 ans, les premiers sont arrivés. Et dans les 20 000 ans qui ont suivi, ils ont livré une chasse intensive aux grands animaux et ils les ont tous fait disparaître. C'était quoi cette mégafaune ? Alors, c'était des animaux qui avaient évolué. On trouvait des gros, des diprotodons, c'est-à-dire des espèces d'énormes tatous, mais marsupiaux, c'était tous des marsupiaux, des animaux adaptés déjà à un milieu relativement pauvre, mais enfin, le centre de l'Australie était couvert de forêts, il y avait quatre grands fleuves, etc., etc. Et en fait, en tuant les grands herbivores, les ancêtres des aborigènes ont changé complètement le milieu végétal parce que ces grands herbivores broutaient le milieu. Et les aborigènes ont d'abord, dans un premier temps, tué ces grands herbivores, et puis ils ont changé d'économie, ils ont commencé à faire du brûlis parcellaire, c'est-à-dire à brûler régulièrement le milieu pour en tirer des plantes jeunes pour leur subsistance et un petit gibier qu'ils pouvaient alors chasser. Alors bien sûr, ça a pris peut-être 10 ou 20 000 ans, mais le résultat, c'est que le centre de l'Australie entier s'est transformé en steppe, voire en désert, alors, et les grandes rivières se sont arrêtées de couler. Et ça, on sait que c'est l'activité humaine, il n'y a pas d'autre explication possible aujourd'hui, archéologiquement parlant, qu'il a créé. Et donc, en l'espèce de quelques millénaires, une poignée de gens, ils n'ont jamais été plus d'un million peut-être, a réussi à changer l'écologie entière d'un continent, le couvert végétal d'un continent. Et on observe le même phénomène il y a à peu près 15 000 ans, quand une certaine culture amérindienne, la culture de Clovis, arrive en Amérique. Quoi qu'il en soit, cette culture-là va tuer tous les grands animaux presque d'Amérique. Seule survivra une espèce de bison sur quatre. On verra disparaître six espèces d'éléphantidés. On oublie qu'il y a 15 000 ans, en Amérique, il y avait des mammouths, il y avait des mastodontes et il y avait différents autres grands animaux qui étaient apparentés aux éléphants qui ont disparu littéralement devant la conquête anthropique du milieu. Et ça aussi, ça a changé le couvert végétal au point que certains pensent que ça a pu affecter l'orientation du climat à ce moment-là. Du climat mondial, du coup ? Probablement, oui, si on retient ces hypothèses-là. Alors après, on est dans des débats. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que des facteurs anthropiques antérieurs à la date communément admise pour l'Anthropocène, on va dire 19e ou 20e siècle, ont pu, dans le passé, altérer les grands équilibres. Mais ce sont des positions très minoritaires, donc des débats presque secondaires, en fait. Parce que même si c'est possible, il n'empêche que ça a été très loin d'avoir l'ampleur qu'ont les troubles actuels sur notre climat. Est-ce que le climat a changé l'histoire de l'humanité ? Alors oui, parce que nous sommes les enfants du climat, j'ai coutume de dire, parce qu'effectivement nous sommes devenus bipèdes sous la pression de contraintes environnementales et notamment climatiques. Et puis après, oui, Rome, par exemple, a connu un optimum climatique. Il a fait très chaud pendant l'époque de Rome et donc ça explique en partie l'apogée de civilisation que constituent l'Empire romain et l'Empire des Han au début de notre ère, qui sont concomitants. L'Empire des Han, c'est en Chine. Et l'Égypte avait connu certainement ce même optimum climatique à sa période d'or. Je suis dubitatif. Voilà. Mais oui, il y a eu une époque à l'âge de bronze où il y a eu une sorte d'âge d'or. Est-ce que c'est lié au climat ? C'est très discuté, plus exactement. Les sources sont très contradictoires sur cette question. Et Rome aussi a connu, dans sa décadence, des difficultés liées au climat. Oui, en deux phases, en fait. Il y a d'abord un refroidissement partiel à partir du 3e, 4e siècle qui explique peut-être les troubles frumentaires qui agitent l'Empire et le début des grandes invasions. Mais il y a surtout, à partir des années 535, une série d'explosions, de méga-explosions volcaniques qui plongent la Terre dans un petit âge glaciaire qui va durer à peu près 3 siècles et qui explique en partie l'essor de l'islam parce que, en fait, durant le 6e siècle, les deux grandes puissances eurasiatiques à l'ouest de l'Asie sont l'Empire byzantin, donc l'héritier de Rome, centré autour de Constantinople, et l'Empire perse. Et les deux vont connaître une période de refroidissement qui se double d'une période de famine, vont faire porter la faute sur l'adversaire, essayer de mobiliser leur peuple contre l'adversaire et donc se livrer 8 décennies de guerre ininterrompue qui vont mettre à genoux les deux empires et qui vont en plus être traversés par la peste qui va faucher peut-être un tiers de la population, plus les famines, plus les guerres. La moitié des populations de ces deux empires meurent, et en plus, leur terrain de jeu, c'est le Proche-Orient, c'est-à-dire que les armées passent, repassent, violent, pillent, obligent aux conversions de force. Bref, les populations locales en ont assez. Or, dans ce désastre planétaire, en fait, le climat s'est refroidi, mais l'Arabie a littéralement verdi. Et donc, les peuples nomades, dans cette steppe où il y avait plus de nourriture pour les dromadaires, eux ont connu un essor démographique important. Ils se sont organisés. Et cela explique, en fait, les succès militaires des peuples arabo-musulmans au début de la conquête, au 7e siècle. Ils attaquent, en fait, deux empires moribonds, avec eux des forces renouvelées. Donc, le climat a favorisé l'essor de l'islam et a littéralement changé le monde à ce moment-là. Et quand cette dynamique-là s'est arrêtée, eh ben, l'islam, au lieu d'être militairement conquérant, est devenu conquérant par la prédication et le commerce. Donc ça a affecté aussi la façon d'être même des sociétés. On a vu avec toi rapidement Cataclysme, cette histoire environnementale de l'humanité que tu soumets à notre lecture, à notre approbation, à notre jugement, je dirais, pour voir s'il est peut-être urgent de changer les choses. Il y a un autre livre que tu viens de plus récemment de nous proposer également, qui est toujours chez Payot et qui s'appelle Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité. Quel intérêt ça peut avoir, et alors quel intérêt en plus ça pourrait avoir d'en parler à l'Ours et la Carotte qui traite d'écologie ? Alors, les chiens ont été les plus fidèles témoins de notre histoire parce que ça fait peut-être 30 000 ans, et en tout cas c'est attesté, au moins 18 000 ans qu'ils traînent dans nos pattes et qu'à 40 cm du sol, avec leur sens surdéveloppé, ils observent ce que nous faisons. Et j'ai voulu donner la parole aux chiens, donc chaque chapitre est raconté du point de vue d'un animal. Donc le premier chapitre, c'est le loup gris qui raconte comment il était domestiqué. Le deuxième chapitre, c'est le renard qui explique pourquoi il n'a pas été domestiqué alors qu'il aurait pu être domestiqué, tout à fait, il l'a même été par moment. Et ainsi de suite, et je termine par des chiens assez artificiels comme le bichon qui explique pourquoi on a fabriqué une petite pelote de poils doux avec des grands yeux, des oreilles tombantes, etc. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'en fait on a transformé un loup gris en 15 000 ans en caniche nain ? Le secret, c'est tout simple, on les a maintenus en enfance, on a prolongé leur enfance. Quand vous regardez un chien, vous avez de fortes chances pour avoir une queue en panache, des pattes plus courtes par rapport à un loup. Hein, je dis bien, imaginez-vous d'abord un loup et puis imaginez-vous un chien à côté. Et la différence sera que le chien aura donc des pattes plus courtes, une queue en panache ou un poil plus doux ou surtout des grands yeux adorables, surtout un museau plus raccourci, des dents toutes petites par rapport à celles du grand méchant loup, etc. Bref, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait en sorte que le loup reste enfant ou adolescent le plus longtemps possible, et un chien, c'est un loup maintenu dans une adolescence perpétuelle, et comme ça on peut lui imposer notre autorité. Et quelque part aujourd'hui, que font les grandes puissances économiques avec l'humanité entière ? Eh bien, la maintiennent en enfance. Donc oui, c'est... Par le biais de la technologies société. Addictives, notamment les réseaux sociaux, par le biais... C'est un peu comme les Romains. La société de Rome, c'était une... Du pain et des jeux. C'est ça, une élite super riche qui détenait le pouvoir politique, le pouvoir foncier, mais qui craignait quand même la mobilisation potentielle des citoyens. Donc en gros, les citoyens ne travaillaient pas, ils étaient nourris, ils étaient distraits des pains, des thermes, le confort, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que ça fonctionnait et qu'on faisait oublier les inégalités. Il suffisait d'infantiliser les gens, et c'est ce pacte-là qu'aujourd'hui nous vivons. Quand nous nous préoccupons de notre dernier smartphone et non pas de sauver l'environnement, eh bien voilà, le système se perpétue de lui-même par notre infantilisation. Donc quelque part, la fable politique, le résultat, c'est si on ne veut pas être des chiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous clone les chiens lorsque celui-ci meurt, c'est une sorte de caprice d'adolescent. Hein. Votre chien favori meurt, il y a des firmes chinoises ou coréennes qui vous le dupliquent et qui vous en font un clone. Le coût aujourd'hui tourne dans les à peu près 50 000 euros. Et puis, le résultat n'est pas forcément garanti parce que vous n'aurez pas la copie conforme. C'est-à-dire, physiquement, ça sera la même chose. Mentalement, votre chien aura changé. Voilà, relisez Cimetière de Stephen King, ça vous donnera une idée. Mais bon, peu importe. Et donc, ce futur-là, en fait, c'est peut-être le futur qui attend l'humanité. Parce qu'on a généralement testé sur les chiens ce qu'on allait faire aux humains plus tard. On a envoyé Leica dans l'espace avant d'envoyer Yuri Gagarin. On a commencé à cloner les chiens récemment, mais peut-être qu'on clonera les humains demain. Et on a infantilisé les chiens avant d'infantiliser les humains, et ça s'appelle la société. Voilà, donc il faut prendre l'histoire des chiens aussi comme un avertissement métaphorique, une sorte de fable sur notre devenir. Mais il y a aussi dresser les gens les uns contre les autres. Il y a quand même tout un jeu médiatique autour des téléréalités ou comme ça, où les gens s'affrontent au lieu de coopérer pour trouver des solutions communes. On essaie plutôt de les diviser pour mieux régner. Ça aussi, c'est un exemple de l'histoire. De diviser pour mieux régner, et un appauvrissement du langage. Et le langage est aussi quand même le moyen par lequel on peut coopérer, mais également réfléchir, trouver des solutions. Enfin, les constructions complexes de langage permettent aussi de se projeter ailleurs, de ne pas vivre qu'au présent et de remettre en cause peut-être des dictatures qu'on pourrait nous imposer sur des émotions rapides, parce qu'on joue sur l'émotion rapide, sur le je suis contre, je suis pour, quelque chose de rapide où on ne regarde pas le long terme. C'est tout ça aussi, tu en parles, je ne sais pas, dans Homo Canis ? Dans Homo Canis, peut-être pas tellement. Je parle effectivement de la façon dont on a dressé certains chiens à faire des choses atroces. Il y a des pages sur les chiens, ce que les Espagnols appelaient les chiens de sang. qui servait en fait à assurer la terreur sur les Amérindiens puis les populations d'esclaves noirs aux Amériques. Mais ce que tu dis me renvoie plutôt en fait à la thèse qui traverse tout Cataclysme autour de ce singe exceptionnel qui est l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes un peu comme une pile débordante d'énergie avec deux pôles opposés. D'un côté, nous avons une formidable capacité à faire la guerre à notre milieu et à notre propre espèce, et de l'autre, une formidable capacité d'empathie à se sacrifier, à porter secours à ceux que nous reconnaissons comme étant membres du cercle de notre appartenance. Et c'est ça qui donne l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, elle vient de la polarisation entre deux contraires. Et nous avons une empathie phénoménale, et nous avons une capacité phénoménale d'agression. Et c'est ça qui nous rend aussi puissants. Et quelque part aujourd'hui, on laisse parler l'agressivité. Par exemple, un des principaux problèmes, je dirais, de l'humanité aujourd'hui, c'est l'agriculture industrielle, parce qu'elle est la cause massive d'une bonne partie du réchauffement climatique. De vouloir manger de la viande, stériliser des sols entiers avant de les réensemencer en monoculture, etc. Tout ça, ça a une histoire qui remonte aux guerres mondiales. On utilise des technologies de mort qu'on nous fait passer pour des technologies de vie. Mais les pesticides qu'on utilise, l'engrais que l'on utilise pour cette agriculture industrielle viennent de technologies développées pendant la Première Guerre mondiale, améliorées pendant la Seconde, afin de produire des explosifs et des gaz de combat. Et cet impensé-là, c'est celui de la guerre. Et j'appelle, avec d'autres, à penser plutôt effectivement la coopération et la paix, parce que c'est la seconde dimension de l'espèce humaine. Mais si on laisse toujours parler cet instinct d'agressivité avec les populismes, la xénophobie, etc., nous sommes face à un problème mondial et on ne le résoudra qu'en coopérant à l'échelle mondiale. Et cela ne peut se faire pas en noyant les migrants en Méditerranée, mais en aidant l'Afrique à surmonter ses difficultés. Parce qu'aujourd'hui, que sont les projections pour l'Afrique ? Pour 2100, on prévoit démographiquement 4,5 milliards d'Africains dans un endroit dont les climatologues disent qu'il sera inhabitable. Il n'est pas besoin de regarder une boule de cristal pour savoir que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, alors que l'Europe est prospère, ce n'est que la petite vaguelette de la première migration climatique. Sur le fond, nos émissions entre les États-Unis et l'Europe ont contribué pour moitié au réchauffement en cours. L'autre moitié, c'est l'émergence d'une nouvelle classe moyenne dans les pays développés. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous avons pris ce dont je parlais depuis les 40 dernières années, plus 0,8 degrés dans la tronche, littéralement, simplement parce qu'il y a 40 ans, il y avait 300 millions de personnes qui vivaient bien entre le Japon, l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui vivent bien et qui sont en train de projeter les 2 degrés ou 2,5 degrés qu'on aura en 2050. Et l'OCDE prévoit qu'on en sera 4 milliards à consommer comme ça en 2030. D'une certaine façon, l'Afrique a déjà payé le prix fort du développement humain, c'est-à-dire que les Amériques dépeuplées, on a voulu de la main-d'œuvre là-bas, on a importé énormément d'Africains. Ça s'est fait certes avec la complicité de certains royaumes africains qui se sont construits pour être esclavagistes. Ça a une histoire environnementale que j'explique dans Cataclysme. Mais quoi qu'il en soit, on a drainé l'Afrique de ses forces vives pendant 4 siècles. Et on l'a ensuite drainé à partir du moment où on a pu pénétrer le continent grâce à la maîtrise des maladies au 19e siècle, on l'a drainé de ses ressources alimentaires, minières, etc. Et les Africains ont participé le moins au réchauffement climatique, à cette tragique histoire, et c'est eux qui vont subir les premiers les conséquences. Et donc, on comprend également les sentiments de rancœur qu'ils peuvent développer. C'est pour ça que je me fais l'avocat d'une histoire globale qu'on puisse partager avec l'Afrique et non pas d'une histoire centrée sur l'Europe qui expliquerait le succès de l'homme blanc et l'insuccès de l'homme noir, parce que l'homme noir serait paresseux et l'homme blanc entreprenant, c'est de la foutaise. Il y a aussi des influences environnementales à cette histoire-là, et il faut les mettre à jour pour pouvoir partager une histoire commune dans laquelle il n'y ait pas de rancœur, mais une coopération face au péril qui nous attend pour le 21e siècle. Ça marche. Un mot de la fin, quand même. Un mot de la fin. Il faudra coopérer, quoi qu'il en soit. Si on ne coopère pas, on s'engage dans la pire des dystopies, à savoir un monde dans lequel il y aura encore de moins en moins de privilégiés, enfermés derrière des barrières de plus en plus inhumaines, à regarder mourir les gens autour. Est-ce que c'est le monde que nous voulons pour nos enfants? La réponse est non, donc il faut se mobiliser plus que jamais, faire passer l'écologie vraiment en avant, et pas une écologie qui consisterait à trier les déchets, mais bien une écologie politique, qui impliquera de renoncer à énormément de notre confort à terme. Mais il faut l'imposer à nos dirigeants, il faut l'imposer aux grandes entreprises, il faut apprendre à être adulte. Et ne pas se laisser enfermer dans une sorte d'infantilisation. Merci Laurent Testo. On rappelle donc tes deux livres, Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, et Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité, qui a aussi de l'intérêt. Merci, au revoir. Merci Nicolas Saint-Martin. C'était L'Ours et la Carotte, écoutable sur Internet.